de palmarès. C'est fou, 89 ans. Le pilote d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin encadrera sur un sujet chaud avec Déchiffrons le campus. Et Justine Renaud nous éduquera tout en nous divertissant dans Justine Pertine. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 9 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ouais, comme enfin, d'habitude. Enfin, nous voilà dans un studio. Avant, oui. Tu faisais dans une petite cabane en bois. Oui, une tonne de cas, je pense. C'est ça. Parce que, à l'odeur! Mais le ménage est très bien fait, par contre. Dans Bécosse? Ouais. On salue Paul, le concierge de Bécosse. De C'est fou. Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc, c'est pas c'est moi qui faisais le ménage. Tu bosses des bécosses? Oui! Puis une femme. Non, c'est une blague. C'est vraiment une blague. C'est juste parce que ça fitait. Donc aujourd'hui, l'émission, Steph, petit plan bien simple avec Laurent Constantin. Ouais? À 7h30, Déchiffrons le campus. Tu connais? Ensuite, à 8h, Justine Reux et à sa chronique Justine Pertine. Qu'est-ce que tu me montres, Steph? Elle me montre quelque chose depuis comme 30 secondes, un bol puis une cuillère. Voilà, ouais, mais je te montrais à quel point les deux couleurs étaient belles ensemble. Ah oui, le bleu et le mauve. Hein, en fait, c'est comme turquoise et lilas foncé. Oui. Je trouvais que ma petite cuillère en plastique était vraiment jolie avec mon plat. T'as tellement des beaux produits, hein, Steph? C'est... Regarde ça, c'est beau pastel. On dirait que c'est pâle, là, je mets une petite bouteille jaune. Avec du orange, t'as quel âge? 4 ans et demi. Ta fête, c'est quand? Lundi! Hey! Je vais avoir 5 ans! Ensuite, après Justine Renaud et Justine Pertine, on va avoir à 8h30 la participation spéciale de quelqu'un dont vous allez peut-être vous rappeler, Juan Felipe, Jean-Philippe Charbonneau. Oh! Ancien co-animateur d'Assemblage requis. Car Good Water, de retour pour une chronique spéciale sur les soirées cachées. C'est fou qui ont lieu ce soir à 22h. T'es-tu sérieux? Je te le promets. Ah. Mm-hmm. Et ensuite de ça, à 9h, c'est toi, Stéphanie, qui prends la place avec ton célèbre poste d'écoute. Oui. Génial, ça. Ben oui. Ben oui. Puis même s'il n'y a pas toujours 40 albums qui rentrent, il y a toujours quelque chose de bon. Toujours 40 albums 40. Ah, c'est fou, 40. C'est ça. C'est ça, c'est... Ouais. Et autour de ça, notre chronique habituelle du jeudi, qu'on fera... soit pour remplir un trou à 7h30, comme d'habitude, ou encore qu'on fera entre deux autres chroniques plus tard de l'émission. C'est les instructions d'assemblage. Oui, on va rentrer ça entre les deux de quelque chose. C'est ça. Ça va être parfait. Entre les fesses, entre les draps. Commençons l'émission en musique, comme on le fait habituellement, avec une nouvelle entrée de Coves. C'est Beatings, tout comme tu bats ton plat avec ta cuillère. Est-ce que tu faisais la chanson thème? Je sais pas. Tu le chasses la chanson terre? Ouais. On dirait que je m'en souviens plus. J'ai un blanc, je suis stressée, je sais plus quoi faire. C'est parfait, ça. Parfait. Hein? OP? Parfait. Maintenant avec ma bouche. T'es fun! Yeah. Rise par Cove sur leur album Soft Friday. Assemblage requis. Waouh! Hein? Mais hein. Waouh! Wow. Tu sais, Stéphanie Paradis? Oui, Monsieur Plante. Il y a un artiste qui s'appelle Tremblay qu'on jouait assez fou il y a un bon moment de ça. Ouais. Plein de ses chansons. C'est Maxime Desbiens Tremblay qu'on aime et qu'on adore. Il y a un nouvel album qui s'en vient de sa part. Il nous a envoyé une nouvelle pièce. Oh! Ah oui. Et on va l'écouter à l'instant. Elle s'appelle M Pardonne. On est choyé. On est privilégié. Tremblé, assemblage de cuisine. Combien il reste de fois, ça se compte sur mes dix doigts, avant que plus jamais elle me pardonne. Rampé jusqu'à ses bras, en jurant que je la ferai pas, c'est pour ça qu'encore elle me pardonne. Excuse à les bois, jusqu'à la gueule de bois, à se rinver, elle me pardonne. Combien il reste de fois, pour plus qu'elle y croit, quand je lui répète, faut que tu me pardonnes. J'ai des excuses en abondance, en trop grande quantité pour qu'on les range. Je les utilise comme dernière chance, en espérant qu'elle nous garde ensemble. J'ai compté les fois où j'avais honte de moi, à supplier pour qu'elle me pardonne. Sa confiance est le genre de plat qu'on offre à des oiseaux de proie, et encore là, elle me pardonne. J'ai des excuses en abondance, en trop grande quantité pour qu'on les range. Je les utilise comme dernière chance, en espérant. Tes excuses doivent plaiser une table. Ton pardon doit être long au nom que je te donne. C'est le même commentaire que j'ai eu quand on m'a envoyé cette pièce hier. C'est « Elle est donc courte, 2 minutes 51. » C'est formaté radio, je trouve, pour Maxime Desbiens-Tremblay. Je pensais que tu allais dire « J'ai eu le même commentaire hier, soir. » Hein? Déjà fini? Ça, c'est pas long. C'est ça qu'il a dit. Donc, c'était Maxime Desbiens-Tremblay ou juste Tremblay avec M Pardonne sur son futur nouvel album qui s'en vient. La chanson est disponible sur iTunes en ce moment, si vous voulez y aller. J'ai pas eu ça. Il y a un petit quelque chose d'entraînant là-dedans. C'est très bon, mais c'est toujours bon, Tremblay. C'est assez facile d'écoute, je te dirais, ouais. Mais dans le bon sens. Ça fait du bien. C'est ça, exactement. On se casse pas la tête avec ça. Tremblay. Toujours assemblage requis. On va continuer avec les demandes spéciales tant qu'elle est en train d'écouter de la musique et d'attendre notre prochaine chronique qui s'en vient tout à l'heure à 8h. C'est Justine Renaud, bien sûr. Mm-hmm. Mm-hmm. On va aller entendre deux demandes spéciales de notre ami David Ferron qui fait des chroniques le lundi. Oui. À assemblage requis. Il anime aussi à l'émission Palmarès du Monde les lundis soirs à 18h. Il nous a envoyé une pièce en fait de l'artiste Silva. C'est la pièce January tirée de l'album Ocean View qui est sorti il y a quelques semaines de ça. On l'écoute à l'instant à assemblage requis. Juste pour toi, David. Tell me you can't see around. C'est la pièce January de Silva, tirée de l'album Ocean View, aux éditions Six Degrees Records. C'est drôle, parce que j'ai passé le commentaire que ça ressemblait à David Ferron, à Peter Peter. C'est un mélange des Feux de l'amour puis Peter Peter. C'est ça. C'est ce que David Ferron en pense aussi. Ça ressemble à du Peter Peter. En tout cas, j'imagine que David, ça fait comme 3 semaines qu'il se demande s'il va jouer la toune, Mathieu. Ça fait 10 jours aujourd'hui. C'est un jeu de mots. S'il va jouer. Ah, Sylvain! Eh oh, eh oh, eh oh, oh, oh. C'est parfait, c'est pas bon. Ouais. Elle est vraiment très bonne. Moi, je l'apprécie beaucoup. OK, merci. Vraiment. On a reçu l'autre... Ça a un petit peu passé dans le beurre, là, en tout cas. Mais c'est bon quand c'est passé dans le beurre, je l'ai dit hier. Tout ce qui est passé dans le beurre est bon. Rissol. Rissol. Mais j'imagine que c'est... si tu peux rissoler, tu as plusieurs déclinaisons, tu peux faire je rissole quelque chose. OK, tu voulais que je rissole mon jeu de mots. Ah oui, c'est ça. Ouais, sinon, s'il était mauvais ou un peu plus sombre, j'aurais dit qu'il grissole, comme il s'effondre. Il s'effondre comme une galette grissole. D'accord. Une petite baguette de pain sec. Oui. C'est bon, ça. Je disais que David Ferron, c'est un vaillant personnage. Hein? Oui. Ils nous ont envoyé 2 demandes spéciales. Oh. Et tant qu'à en jouer une, moi jouer 2, puis le travail est fait pour moi. T'sais. On va voir la paix. On va voir la paix de David Ferron. C'est pas vrai du tout. On encourage en fait les demandes spéciales de tout le monde, pas juste de David. Ben c'est vrai ça. C'est vrai, ben oui. Tant que c'est pas Katy Perry. Katy Perry. Ah, vous pouvez nous la demander. Bon, on la fera pas jouer. Ça, on répondra peut-être même pas au courriel en fait. Non, on va probablement vous flusher pour faire comme... Écoute un autre poste. Ben c'est ça, tu as déjà écouté Assemblage requis et c'est fou 89,1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Donc, la deuxième demande spéciale de David Ferron, c'est une pièce de Pierre Quenders. On passe d'un Peter Peter qui ressemble à Pierre Quenders. Excellent nouvel album, nous dit David Ferron, le dernier empereur bantou qui sort le 14 octobre prochain. Donc, même avec 10 jours de retard sur son courriel, je suis à l'avance de la sortie de l'album. Ça, ben, c'est bon. Mardi. C'est mardi prochain. Donc, on va entendre l'extrait Mardi Gras qui est en featuring avec Jacobus. Donc, Pierre Quenders, Jacobus ensemble. Mm-hmm. Mardi Gras, ça commence maintenant à Assemblage requis pour une demande spéciale de David Ferron. I make it in mate, je suis mon prepaid. Moi c'est les lettres pépère, c'est ça j'ai dit à ma mère. Moi je suis le Mardi Gras trip, c'est pas incessible. À Paris célébrer la journée avant le carême. Il faut que tu hausses le barème, des pressions, come on. Il faut que tu passes le bâton. Le Mardi Gras sont sur un grand voyage. Tu m'as tête à du mourir. Faut qu'on l'en asseye. Yéna yé, mise l'amour. C'est l'amour. Le monde suit le courant. Des belles sœurs sortir à soir, ça sort du couvent. Whirlpool commence à flotte, la crème au top. La top down, boy around, ça sort des photos. Et tout le monde se presse, on va laisser faire la messe. Curious court après les filles, ben on va laisser faire. C'est vie que bien te bénisse. Capitaine, capitaine, boy à portail. La moine du grand boyer. Vous allez, ça y est. Alza, cause de l'amour. Je dois avouer que ça m'a pris par surprise. Elle est vraiment bonne, celle-là aussi, Pierre ça, Wenders. C'était court, hein? Ouais, c'est des chansons courtes aujourd'hui, on se serait pas attendu à ça. Donc, c'est la chanson Mardi Gras featuring Jacobus à Assemblage Requis. Voilà. Feet. Feet, Jacobus. Excuse-moi, oui. Mettons en vedette les pieds de Jacobus seulement. Je pense. c'est ça, c'est Pierre Wenders, nouvel album qui s'en vient le 14 octobre, on l'a dit tantôt. C'est le dernier empereur bantou. Les deux demandes spéciales étaient par David Ferron, qui fait une chronique les lundis à Assemblage Requis. Là, il n'y a pas de chronique lundi qui s'en vient parce que c'est l'action de grâce. Malheureusement. Non, il n'y a pas de. Même pas d'émission. Pas d'émission? En fait, il va y avoir une émission. Non, il y a-t-il une émission? Lundi, attends un peu. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce que c'est pas moi qui décide des affaires, là. Je ne suis qu'un simple employé alimentaire. Il me semble qu'on t'a dit qu'il n'y en avait pas. On m'a dit qu'il n'y a pas d'émission lundi. Il me semble que non. OK, parfait, cool. Il n'y a pas d'émission lundi. OK, je prends ça pour. C'est pas vrai, vous l'écouterez. Non, moi, j'ai juste entendu qu'il n'y avait pas d'émission. Non, il n'y a pas d'émission, Mathieu. Des fois, j'ai de la misère avec les deux. Vous autres, vous écouterez à la maison. Pas d'émission lundi. OK, parfait. Je l'ai noté. Donc, voilà, David Ferron, les lundis à 18h. Ah, c'est fou. 89 FM. Mais pas lundi matin. Parce qu'il n'y a pas, je pense, d'émission. Mais c'est pas vrai. Et prévision, là. Donc, dans quelques instants, c'est Justine Renaud et sa chronique Justine Pertine. Oui. Justine Pertine, la chronique musico-scientifique, ça se passe dans quelques instants. Il y a du trafic, apparemment, mais c'est ce qu'on me dit. Après ça, à 8h30, il y a Jean-Philippe Charbonneau. JP. JP Charbs. Goodwater. Goodwater, avec son segment sur Les soirées cachées, c'est fou. On va le recevoir une fois par mois, JP Charbs. Ah ouais? Une fois par mois. Comment ça? Lui ou quelqu'un d'autre, mais pour parler de soirée cachée, parce qu'il va en avoir une à tous les mois. Every single fucking month. Ça va être la fin. C'est a show a month. A show a month. Show a month. Tu sais, comme Dollars a Day. Là? Ouais. Mais ça, c'est show a month. Ou les Pokémon, c'est show gratis, a month. C'est gratis, il n'y a même pas de pièce d'inclute là-dedans. Aucune pièce d'inclute, et ça se passe à la chasse galerite, juste derrière Nous, à Lucutre. Voilà. On prend une pause. Je pense que ce serait une bonne. On a dormi le cerveau mou ce matin. Un peu, on dirait qu'on a regardé trop Lisa Leblanc. Musique. Parce qu'elle a le cerveau ramolli. Okay. Elle a une chanson qui est cerveau ramolli. Cerveau ramolli. De toute façon, on ne passe même pas de musique là-bas. Entre 3h et 4h du matin, je pense. Ah. Fou de musique du monde. C'est fou, 89.1. Un peu de parmesan sur votre spaghetti, madame? Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. J'avouerais ce moment, en fait. Bon retour, c'est toujours Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Steph Knight Paradis. C'est du Payalay, excuse-moi. C'est Paligny Payalay, voilà. Hey, t'as donc bien beaucoup trop de plaisir avec mon nom de famille. Hier, c'est Maman Paradion. Tu es plante. Tu fais pas de moins que la mienne? T'as le droit de fesser sur moi autant que, tu sais. Mais j'en trouve pas. Il est plate, ton nom. Il est plante. Tu peux même pas t'amuser plante, avec. Plante. Plante. Tu vois, tu veux juste déformer la syllabe. J'ai fait comme deux jeux de mots. Il y en avait qui étaient quand même un petit peu trop vulgaires. Ouais, comment, oui. Avec un accent de fesse. Un accent de fesse. Ou de plante. Plante. Plante. Je dis plante. Ah, mais je t'appelle déjà de même. Oh, oh boy. Synopsis. Plot. OK, c'est scénario. Plot en anglais, c'est un plot. C'est le scénario d'un film. Ouais. Okay. Donc, toujours l'assemblage requis, comme je disais. Et maintenant, en attendant que Justine Renaud arrive, parce qu'on a joué quand même 4 chansons depuis le début de l'émission, ce qu'on fait d'habitude pas. D'habitude, on joue 4 chansons dans l'émission au complet. Par moment, on a joué 4 dans la première demi-heure. Donc, on va continuer avec juste une minuscule liste bien, bien facile à faire. Voici son foutu palmarès. L'intro va être aussi longue que la chronique. J'ai eu le temps de me moucher au complet. Puis on parle de mouching avec service, là, un peu comme on lave auto. Genre complet, le nettoyage des vitres. Donc, c'est son foutu palmarès où on fait une liste sur un sujet bien précis, prédéterminé. Et aujourd'hui, Stéphanie, tu vas m'aider, tu vas m'accompagner un petit peu dans la liste bien, bien comment dire, bien alléchante, voilà, de produits de fast-food qu'on pourrait nommer McDonald's, qu'on peut pas obtenir au Québec. Oh, OK. C'est très simple. Vous l'avez peut-être vu passer, mais quand même, ça va nous intéresser parce qu'on va se mettre l'eau à la bouche comme on aime le faire une fois de temps en temps. Par exemple, le Bubblegum Squash McFlurry en Australie. Hein? Yeah. Du squash en français, c'est évidemment de la... Bubblegum Squash. Je sais pas, squash, c'est pas squash, un... c'est pas une courge. Je pense que c'est une courge, oui. C'est ce que j'en comprenais, une courge, mais bon. Donc, c'est à la gomme ballon. Et il n'y a aucune explication dans l'article. Là, c'est pour ça que je le trouve un petit peu plate, là, puis qu'on le fait comme ben rapidement. Là, mais c'est une crème glacée avec un genre de liquide bleu qui coule dessus et des guimauves. Des mini guimauves. Ça a donc bien l'air bon. Ça a l'air très bon. Ensuite, le cono Oreo au Mexique. C'est juste un cornet, évidemment en forme de cône, hein, en biscuit Oreo. Et t'as la crème glacée à la vanille qui fait comme la crème dans l'Oreo. Ah, mais c'est malade, ça, c'est un cornet en biscuit Oreo de même. Ça va être, j'en veux deux, tout de suite. Le prochain, c'est le McPaneer en Inde. Celui-là, ben, est pas super décrit. Là, c'est ce qui est un petit peu décevant. Le McPaneer, c'est des épinards. Des épinards, parfait. Ensuite, mariné avec des herbes françaises, fromage crémeux et sauce à l'oignon, salade ou laitue croquante, rondelles de tomates et bout de piment jalapeño. Mmh. C'est mon genre de repas et de l'Indien, on aime ça. Mais hein? Vraiment beaucoup, c'est ça. Ensuite, les mozzarella dippers en Grande-Bretagne. C'est clairement des morceaux, des bâtonnets de mozzarella frits qu'on se trempe dans la petite sauce. Par exemple, de la sauce, je sais pas, ranch peut-être. Parfait, ça. Ce serait ma préférée pour celle-là. Ensuite, ça, dans tous les pays cool, sauf l'Amérique du Nord, on retrouve la McBeer. C'est très typique dans tu les McDonald's. Tu peux boire de la bière au McDo? Une petite bière ben, ben flat. Moi, ouais, je me demande, est-ce que c'est eux qui se la brassent eux-mêmes? Le bière? Brasseur, oui. Elles sont habituées de brasser de la graisse ou leur bedden, mais là, ils brassent de la bière des fois, ça peut arriver. La pizzarotto en Italie. C'est ça? Ben, tu vois la petite pâte, le genre qu'on voit dans l'image, une petite pâte qui a l'air avec... on dirait quasiment qu'il y a la face de Ronald McDonald dessus, mais c'est pas le cas. Pas le cas. Et t'as à côté un petit copeau de sauce qu'on va venir garnir sur sa pizza, apparemment. Mais moi, je me demande... Ça fait de pizza aux frites, finalement? Ben, ça ressemble à ça. J'imagine que tu dois avoir d'autres ingrédients dans le sac, là, mais sinon, peut-être que Pizzarotto veut aussi dire juste un pain. Peut-être. Sauce tomate, genre. Un pain sauce tomate, c'est ça. Parce qu'à la base, c'est ça une pizza? Ouais. Tu peux avoir une pizza juste au fromage, tu peux avoir une pizza au pepperoni avec fromage. Tu peux avoir une pizza juste sauce. J'imagine. Ouais. Comme quand tu prends un hot dog, ketchup. C'est peut-être en maudit, mais il y en a comme ça. Ben, c'est tout récent, je rajoute de la mayo dedans. Ouais, avant c'était juste ketchup, toi. Ouais. C'est toi, ça, parce que j'étais pas sûr que c'était toi. Oh, oui, c'est pas moi. Tu peux me juger. Non, je te juge pas. Je vais juste dire que c'est pas beaucoup. Tu me juges pareil. Un petit peu. Ensuite, la taro pie en Chine. Taro pie. Ah! Je sais pas c'est quoi le taro, T-A-R-O. Je crois que c'est un fruit. OK, mais ça aurait du sens pour une garniture dans un petit chausson ou, de pomme. Un légume. Oh, en fait, c'est une grosse racine. Ah! Le taro aussi appelé madère. Ah, oh, madère! Ça me dit de quoi, madère? C'est un chouchine ou un dachine. C'est un tubercule alimentaire des régions tropicales produit par des plantes de la famille des aracées. Hein? Ben, je vais arrêter là parce que là, ça ne nous dit plus rien. Là. Ben, c'est intéressant quand même, mais je sais pas, ça n'a pas l'air de quelque chose de. C'est sûr qu'on n'a pas goûté. Mais peut-être que c'est pas sucré, peut-être que c'est une saveur particulièrement. Je sais pas. En tout cas, c'est une grosse racine de la famille du chou. Fait que ça doit pas être sucré. Mais de toute façon, en Asie, en général, ils n'ont pas vraiment de dessert très, très sucré. Okay. Ils sont pas très desserts, donc c'est pas le même genre de truc qu'on fait ici, là. Donc, ils mettent vraiment du tarot partout, là. Il y a beaucoup de pâtisseries, des trucs comme ça, okay, au tarot. Si tu vas juste dans le quartier chinois, il y a plein de trucs au tarot. Tu peux même acheter un bubble tea au tarot. Miam! Et tarot, c'est aussi une fantastique pièce de Alt J. Oh, wow! Pièce de musique! Le prochain, c'est le McNern Burger en Allemagne. McNern qui comprend des saucisses. Des saucisses entre deux tranches de pain. Un burger ou saucisse. C'est exact. Ça a l'air bon, non? C'est un hot hamburger? Ouais. C'est le Hutengaudi Nürnberger. Ensuite, le McPrawn en Russie. Prawn, c'est une sorte de fruit de mer. Ça ressemble à des crevettes. Je pense des crevettes. Donc, ça, c'est un accompagnement. Alors, c'est un peu comme une entrée de mes croquettes, mais tu prends une entrée de crevettes. McPrawn, c'est en Russie. Mais ça a l'air bon, les petites crevettes frites. Mais en fond, je sais pas si vous connaissez le Dixili. Qui est un resto de poulet frit qui n'est pas originaire d'ici, là, mais il y en a plein en Gaspésie qui font le meilleur poulet frit au monde. Et il y a aussi des crevettes panées comme ça avec une sauce aux cerises. C'est totalement jouissif. Bien. Ben, chez McDo, on connaît un petit peu les crevettes. Il y en a dans leur gros wrap. Il y a un petit peu de crevettes panées, mais c'est tout petit. Là. Ensuite, la tarte aux patates et bacon au Japon, c'est un chausson. Bacon, patate. Ça, là, pour vrai, ça me touche. Ça me touche. Ben là, je suis émue. Ensuite, les frites spirales. Aux Philippines. Mmh. T'imagines, les frites spirales McDonald's, ça a l'air délicieux. Ensuite, le Kiwi Burger en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est kiwi, pas parce qu'il y a des kiwis dedans, mais plutôt parce qu'en Nouvelle-Zélande, on appelle les gens des kiwis. Donc, à l'intérieur, j'ai l'air de voir, je dirais, des morceaux de betterave. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais c'est avec des tomates. Des tomates. On dirait un œuf en dessous. Oui, un œuf, du fromage fondu, je crois. C'est peut-être que la boulette, c'est faite avec du kiwi. L'oiseau, non, là? Non, l'oiseau. Ah, je viens de voir la référence, mais ouais. C'est, ou pas. Ils sont pas disparus, les kiwis? Je sais pas. Bon, c'est pas. Ouais, c'est peut-être des néo-zélandais dedans, peut-être. Des no-names. C'est peut-être du cannibalisme. Ensuite, le McFlurry Cranky au Mexique. C'est quoi? Ben, c'est un McFlurry avec quelque chose dedans. On dirait des pruneaux. Allez jamais sur afficherlasuite.com. Je réalise que c'est vraiment des articles là, aucunement définis. Mais bon, c'est pas grave. On saute par-dessus ceux qu'on comprend pas, mais qu'est-ce que toi, tu dirais que c'est quoi qu'il y a dedans? Des morceaux de chocolat, de brownies? Moi, je dirais de brownies. Je dirais. Non, dirait vraiment des pruneaux ou des dattes. Le McArabia au Moyen-Orient, c'est sur un pain, je crois, nan, qu'on fait un hamburger. Ça a l'air de ça, en tout cas, on dirait un pain nan plié. Ça doit être vraiment... Ah, oh, des cranky! Des cranky, c'est quoi? C'est un bonbon, en fait. OK. J'ai l'image, là, mais je pourrais pas dire exactement c'est quoi. C'est des petites barres de chocolat là qu'on n'a pas ici, okay, en fait. Cool. Ben, c'est gagnant. Ça a l'air meilleur que les dattes. Ouais. Le poulet Shaka Shaka au Japon, on a parlé un petit peu de ça dans une récente chronique, une grosse pointe en dresse, c'était des mecs croquettes et des frites qu'on pouvait shaker. Ben ici, je pense que c'est du poulet avec du shake and bake, on dirait dessus, quelque chose comme ça. En tout cas. Ensuite, le poulet McMuffin en Chine, on sert un McMuffin comme on le sert ici, mais avec un poulet frit à l'intérieur. Poulet pané. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un manque qu'on a ici. On l'a au bacon, on l'a au jambon. Saucisse. Au saucisse. Galette de saucisse, mais on l'a pas. Avec du poulet frit. Aussi, le poulet frit avec spaghetti aux Philippines. C'est une boîte dans laquelle on te sert une portion de spaghetti sauce tomate à droite, mettons, et deux languettes ou gros morceaux de poulet à gauche et une petite sauce à tremper. Donc, tu peux manger ton spaghetti avec ton poulet. Tu peux peut-être mélanger les deux ensemble si tu veux. Voilà. La sauce, tu peux faire ce que tu veux. C'est très cool. Le mec Iberica en Espagne, c'est un pain style, je dirais quasiment une baguette. Et à l'intérieur, t'as l'air d'avoir des morceaux de, je crois, je me demande si c'est du poulet. Ça a l'air d'être un genre de club. Ouais. En forme de sous-marin, peut-être. Ouais, avec un bon pain baguette. Exact. La salade de pâte mozzarella en France. Ah! Salade de pâte avec du fromage mozzarella, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, de la salade, de la laitue, des pâtes et du fromage. Le bâton d'ananas en Grande-Bretagne. Ah, à place des petits bâtonnets de pommes. Exactement. Eux, ils préfèrent les ananas. Et ici, en plus, avec le lien de branding de marque avec les Schtroumpfs. Ouais, c'est une édition limitée. Je sais pas si c'est les Schtroumpfs qui étaient l'édition limitée ou l'ananas. Exactement. Où est-ce que l'ananas est sorti pour les Schtroumpfs? Ouais, c'est ça. C'est ça que ça veut dire, en fait. Le McPotatoes au Mexique, c'est des patates grecques un peu. Ah, ça a l'air bon! Dans un petit verre, en plus. Hein? T'as vu que c'est pas dans un emballage de frites, c'est dans un emballage comme un verre de café ou de liqueur. Ensuite, le McFloat. Ah! Un floater, comme chez AW, sauf qu'à la place d'être une root beer, c'est ici des saveurs comme là, la saveur de verre, comme on appelle. Oui, probablement. Sûrement la lime. Ou quelque chose qui est supposé goûter la lime, avec un petit peu de crème glacée sur le dessus. Ça, je comprends pas qu'on ait pas ça partout dans le monde. Là, c'est clair, c'est très populaire, la crème glacée chez McDonald's. Donc, un petit... Non, c'est génial aux Philippines, un McFloat avec un Twister Fries. Ah, ils ont tout, hein? Ils ont tout. Le bloc de parmesan en Italie, c'est une collation, un à côté, à la place d'avoir des tranches de pommes, encore une fois, tu vas avoir juste un petit bâtonnet déballable de parmesan. Ben voyons donc, tu manges pas ça de même, là? Ouais, en Italie, tu fais ça. Okay. Évidemment, notre célèbre poutine vient terminer le tout. La poutine, entre autres, au poulet épicé. Hein? Il y a ça chez McDo. Je sais pas si c'est fini, là, ils l'avaient jusqu'à récemment. C'est une poutine avec des petits morceaux de sauce forte. Mais tu vois ça, on a la poutine, là. Ils ont rien, on a rien à leur envier, là. Non, on a rien à leur envier et rien à envier à afficherlasuite.com. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com et renseignez-vous vous-même parce qu'ils ne trouvent pas que c'est pertinent de vous dire ce que sont les produits. Voilà pour son foutu palmarès. Au retour, là, c'est vrai, ça va être notre amie Justine Renaud qui s'en vient avec sa superbe chronique Justine Pertine. Mais avant ça, on va entendre un extrait de Mordicus. Juste un extrait? Juste un On pourrait écouter la pièce au complet? On va commencer par l'extrait, puis si on aime ça, on va continuer. Okay? Je pense qu'on va continuer. À date, c'est bon, je trouve la batterie. Okay. Ah, tu vois, la guitare vient d'embarquer, tu sais. C'est quand même pas pire. Là, c'est batterie plus guitare. Il chante, là. Tu gâches ma tourne, arrête ça. Il chantait. Ah! Mordicus et Miroir, dis-moi qui est la plus meilleure. Mais c'est Justine Renaud. Ah, Justine Renaud. Mais que de flatterie ce matin, vous êtes donc gentil. Justine Renaud. Renaud. Justine Renaud. Justine Renaud, bonjour. Bon matin. Bienvenue dans le studio où on. C'est trop. Où c'est on chante trop. Sur tes intros. Ils se sont levés les deux pieds du même bord du lit. Ouais. Ouais, ben, hein? Ça serait difficile de se lever les deux pieds pas du même bord. Puis on n'est pas dans le même lit, pour ceux qui veulent savoir. Fait que tu sais. Ceux qui veulent savoir. Ceux qui veulent savoir, sont dans le même lit. Ils sont pas dans le même lit. Il y a des curieux dans la vie. Oh, mais là, de un, on n'a pas de lit au studio. Il y a ça. On a une belle table. Pas très confortable, par contre. Confortable. Oui, exact. Uncomfortable. Donc, on parle aujourd'hui de Voie lactée, Justine Renaud. Oui, la Voie lactée, la galaxie dans laquelle nous habitons. C'est-à-dire que si on avait une lettre à poster ailleurs, il faudrait écrire genre Voie lactée. C'est si on voulait écrire à Voilà Bibi. Que t'es rendu en train d'écrire une lettre. Voilà que t'es rendu. Voilà. Ah, on est rendu loin. Hier matin, oui. Stéphanie nous disait « Ah, matin, j'ai manqué l'éclipse solaire, lunaire, en tout cas, il y a une éclipse. » Ah, c'est aujourd'hui, mais je veux dire, hier, tu l'as manqué. Oh, je sais c'était pas. Hier, c'était hier matin. Mon mais moi, j'avais juste passé. Mercredi qui m'était resté en tête. Là. Mais tu sais, mercredi, c'est relatif là, quand c'est la nuit. C'est vrai que c'est relatif quand c'est la nuit. Ceci dit, puisqu'on est aussi pertinent toujours dans mon émission, continuons avec « Mais qu'est-ce que la Voie lactée? » Ok, on sait que c'est la galaxie dans laquelle se situe le système solaire, donc la Terre. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle est partiellement visible dans de bonnes conditions d'observation. Surtout sous les tropiques, les petits chanceux qui ont des bateaux avec ton nid à curseau et qui peuvent se payer ce genre de voyage. Alors, eux, ils peuvent clairement voir l'espèce de bande plus claire dans le ciel nocturne qui passe lorsqu'il n'y a vraiment pas de pollution lumineuse, c'est très important. Et les découvreurs en sont en fait Harlow Shapley, Jan Oort, avec deux O, hein? Oort. Et Bertil Lindbald. Bertil Lindbald. Ils ont tellement des beaux noms. La date de la découverte s'étale en 1918 et 1928, une période où il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements en termes d'astronomie observationnelle. Entre autres, il y a eu le grand débat, et là, je ne parle pas de si PKP devrait mettre son affaire en fiducie ou non. C'est un autre grand débat, un très, très grand débat. Moins intéressant, selon moi. Non, tu vas voir pourquoi. Qu'est-ce qui est moins intéressant, PKP? PKP? Ah oui. Moi, je préfère la Voie lactée. Là. Ben, moi aussi, je préfère la Voie lactée, puisque l'autre, c'est pas une lumière, donc c'est pas une étoile. En tout cas, excusez-moi. Ah, c'était brillant, ça. C'était brillant. Or, le grand débat est le nom donné aux discussions qui ont eu lieu dans le courant des années 20 hein, sur la nature de ce qui était à l'époque appelé les nébuleuses. Aujourd'hui, on sait que c'est un espèce de tas de gaz chaud qui émet de la lumière et qui sont en fait que des galaxies situées à l'extérieur de la Voie lactée. Dans ce temps-là, le débat, c'était à savoir est-ce qu'ils sont contenus dans la Voie lactée ou à l'extérieur de la Voie lactée. Et ça menait à la question suivante, c'est-à-dire est-ce que l'univers est entièrement contenu dans la Voie lactée ou est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la Voie lactée et donc est-ce que l'univers s'étend au-delà de la Voie lactée? Donc, ce qu'on pourrait observer dans le ciel pourrait ne pas être que contenu que dans la Voie lactée. Mm. Donc, ce grand débat-là a eu lieu pendant quelques années. La date la plus notoire étant le 26 avril 1920. Ça s'est passé au National Museum of Natural History de la Smithsonian Institute à Washington, D.C. Donc, de monsieur très, très important avec leurs espèces de complets bruns. Les deux principaux protagonistes étant Harlow Shapley, donc un des découvreurs de la Voie lactée, ainsi que Hébert Curtis ou Heber Curtis. Les deux ont des noms tout à fait charmants et devaient être habillés en brun ou en gris. Le premier Harlow Shapley défendait l'idée que l'univers observable, donc l'univers en entier probablement, ne s'étendait pas au-delà de la Voie lactée. Donc la Voie lactée, c'était tout ce qu'on connaissait, c'était tout ce qu'on pouvait voir avec nos yeux. Le second, Heber Curtis, défendant l'idée contraire, se basait en particulier sur l'observation de certaines supernovas dans ce qui est aujourd'hui appelé la galaxie d'Andromède. Ça, c'est pas important, c'est des détails. Il va y avoir un examen demain, je vous suggère d'étudier. Alors, Shapley, le premier, regardait la détection de mouvements au sein de la nébuleuse d'Andromède et c'est comme ça qu'il a pu dire « Ah, parce que je suis capable de voir des mouvements au sein de la nébuleuse d'Andromède, ça veut dire qu'elle est proche, donc ça veut dire qu'elle est dans la Voie lactée. » Tandis qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne peut pas voir dans la durée d'une vie humaine ces mouvements-là. Donc, on pense qu'il était probablement gelé sur un méchant temps parce qu'aujourd'hui, on se pose encore la question à savoir comment Shapley a pu voir des mouvements dans le ciel. Là. Il s'appelle Shapley? Shapley. Shapley de la drogue. C'est pas de ma force, Shapley de la drogue. Shapley de la drogue. Hein? Et donc, C'est en fait Heber Curtis qui n'avait pas découvert la Voie lactée, qui a pu déduire, lui, en regardant justement Andromède, mais en se disant, je pense qu'Andromède est à l'extérieur de notre Voie lactée, donc que l'univers observable s'étend au-delà de ça, qui avait raison. Et, étrangement, malgré la drogue. Oui, c'est ça. Mais non, mais lui, c'est lui qui prenait pas de drogue. C'est l'autre qui prenait de la drogue. Ah, c'est pas bon, les enfants, la drogue. Tout de la drogue. Hein? Parce que si jamais vous êtes confronté dans un grand débat contre un autre astronome, vous voulez pas prendre la drogue. Genre, le gars, il prend la drogue. Ah, la Voie lactée. Si tu mets une paille dedans, tu peux te faire des bulles. Non, il a pris de la drogue. Oh, elle est vraiment bonne. Voie lactée, c'est du bien. C'est clair. Mm. Ça fait plus de supernova et tout. Donc, plus tard, Edwin Hubble, en 1925 ou 1926, on n'est pas sûr, parce qu'il était probablement gelé eux autres avec, Edwin Hubble, dans le fond, a vraiment prouvé la théorie de Curtis. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a observé dans les nébuleuses d'Andromède des étoiles distinctes et a pu, dans le fond, calculer la distance. Et en calculant la distance avec Google Maps, il a pu découvrir que c'était intra-galactique, donc extra-galactique, pardon, donc qu'il y avait quelque chose au-delà de la Voie lactée. Donc Edwin Hubble s'est rallié aux côtés de Curtis. Un autre bonhomme qui était rallié à leur côté, mais qui était là beaucoup avant, là, en 1700-quelques, c'était Emmanuel Kant. Ça a été un des premiers à dire qu'il y avait quelque chose au-delà de la Voie lactée. Puis lui, c'était juste un astronome, disons, amateur, parce que lui, c'était un philosophe. Hein? Mm-hmm. C'est l'intention qui compte, c'était lui. C'était très jeune, c'était un astronome garçon à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de notre Voie lactée? Donc, on sait qu'on est en son sein, hein, de beau sein, et plus précisément en sa périphérie. Donc, on n'est pas au milieu du tout, du tout. C'est pour ça qu'il est difficile de connaître sa forme exacte, mais on sait au moins qu'elle est semblable, cette forme-là, à la galaxie d'Andromède, donc c'est une galaxie spirale. Donc on est quand même pas mal checké. non, mais c'est beau, une galaxie spirale. C'est beau, c'est beau. Et c'est pas comme des frites spirales, malheureusement, mais... Ça goûte moins bon, peut-être. C'est peut-être un peu plus chaud quand ça sort de la friteuse. le disque qui forme notre spirale a plus de 100 000 années-lumière, donc ça fait beaucoup de temps à attendre le métro. Un diamètre qui comporte aussi un bulbe central, donc il y a une espèce de protubérance au milieu qui fait un peu de l'embonpoint. C'est un Pokémon, ça aussi, je pense, hein, Bulbasaur central. Un Pokémon? Bulbasaur central. Bulbasaur. C'est le frère de Bulbasaur. C'est son évolution. Bulbasaur. C'est l'évolution, excusez-moi. C'est la sœur de Bulbasaur. OK, oui, et voilà. Et donc, au travers d'un télescope dit Kepler, le télescope spatial Kepler. Capillaire? Capillaire. Non, Kepler. Se met ça à la tête. Kepler. OK. On peut compter entre 200 000 et 400... 200 et 400 milliards d'étoiles. Ils estiment 234 milliards. Le gars est encore en train de compter. Donc, compte tenu de la position très excentrée, donc très à l'extérieur de cette spirale-là du système solaire, les étoiles les plus éloignées de notre galaxie sont distantes d'environ 78 000 années-lumière, alors que l'étoile la plus proche du Soleil, quelqu'un la connaît? Quelqu'un la connaît? L'étoile la plus proche du Soleil. Oui, c'est quoi l'étoile la plus proche du Soleil? Oh! Je le sais, je vais te Et dans le petit ours, la constellation du petit ours comprend la l'étoile totale. Son nom, c'est Proxima Centauri. Il se trouve à peu près 4,22 années-lumière. Ah, c'est pas ça va être son nom scientifique. Là, il doit avoir un autre nom. Étoile centaure proche. Centaure proche. Un instant. C'est Proxime. C'est la pharmacie. Ah, ben oui, exactement. Ouais. Donc, essentiellement, c'est... j'essaie de trouver son autre nom. C'est une naine rouge, en tout cas. Elle a une magnitude apparente de 11,05. Si ça peut vous intéresser. Leur place. Non, mais je pense pas qu'elle a un nom... Mais je le savais pas d'abord. Non, moi non plus. Proxima Centauri. J'ai pas entendu ça. C'est pas grave. Hein? Et voilà. Donc, on pense que si je suis en train de clore en ce moment, là, et tu m'as comme un peu décontenancé, mais si tu veux savoir quel âge qu'elle a pour lui donner un gâteau à sa fête, à notre galaxie, elle a 13,2 milliards d'années, soit l'âge approximatif de l'univers. Donc, on est pas mal là depuis le début, nous autres. Hein? Mm-hmm. Ben, pas la Terre, mais la galaxie. Là. Ouais. Uh-huh. Et c'est ça. On va aller en musique avec une chanson qui est directement liée à mon sujet, Voie lactée de Daniel Bélanger. À Justine Bertine. Cette immensité, l'âme la plus frileuse et nue. Je m'expose au rythme fluide, des niveaux païens de sourds qui savent si bien l'onduler. Maintenant, tout sur terre.

C'était la merveilleuse chanson Under the Milky Way de The Church. C'est bon. Petite nostalgie qui s'installe en moi. Juste avant, on entendait Twilight Galaxy de Metric. Et juste avant ça, Voix lactée de Daniel Bélanger. Le thème commun ici étant pour... Les chips. Ah oui. Chose par rapport. Oui, oui. Donc, c'était la Voix lactée en tant que telle. Et si je peux juste faire un petit clin d'œil à la mythologie grecque, on sait que dans la mythologie grecque, c'est de là que vient le terme Voix lactée. Et la petite histoire derrière ça, en 5 secondes, c'est que Zeus, hein, le big boss, désirant rendre Héraclès ou Hercule dans la mythologie romaine immortel, donc on voulait rendre Héraclès immortel, lui fit téter le sein de Héra, qui est la sœur et la femme de Zeus, alors qu'elle était endormie. Héra, elle trouvait pas ça le fun de se faire réveiller par quelqu'un, genre son fils probablement de 18 ans qui lui tétait le sein, a essayé d'arracher Héraclès de son sein et y parvint en laissant une giclée de lait s'épandre dans le ciel, formant la Voie lactée. Wow. Donc tout ça, c'est une histoire vraiment un peu bizarre. Elle avait encore des montées de lait, elle. C'est ça? Elle avait encore des montées de lait. Oh, hein? Puis je pense que ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, Hercule n'est pas... aujourd'hui, Hercule n'est plus. Ben, a-t-il déjà été... Il est mort! Il est mort! En tout cas, il n'était pas jamais immortel. Et c'est ce qui clôt. Hein? Non. T'avais pas un erratome, toi? Ouais, oh, oui, oui, Colin. Je m'excuse. Une chance que t'es là, OK? Tout à l'heure, on a eu un grand débat au sujet de Proxima Centauri. Est-elle l'étoile de la petite ours ou bien autre chose? Ben, c'est l'étoile de la constellation du Centaure. Puis l'autre, l'étoile dans la petite ours, c'est l'étoile polaire. C'était mon erreur. C'est moi qui ai switché les deux. La plus proche n'est pas l'étoile polaire. Du tout. Puis là, j'entends mon ancien prof d'astrophysique qui rit de moi en ce moment. Non, c'est pas la même chose. Ah, mais au moins, tu l'as corrigé, l'erreur. Merci. M'avoir c'est rappelé fait. Que je fais des erreurs dans la vie puis que je suis humaine puis que je suis comme un peu quelqu'un qui a manqué sa shot en tétant le sein de quelqu'un. Oui. Je ne suis pas immortelle. Allô. Merci, Julie. Allô. J'écoutais pas. Non, j'écoutais, là, j'écoutais beaucoup. Et je te remercie, Justine Renaud, et je te dis, comme chez les Espagnols, à la proxima centauri. À la proxima, ça veut dire à la prochaine. Proxima. À la proxima centauri. Proche. Si, seigneur. C'est même pas un jeu de mots, c'est ça que ça veut dire. Pas un jeu de mots, mais c'était une référence. Okay. C'est pas mal ça qui clôt, hein, Justine Pertine, la plus merveilleuse chronique pertinente au monde. Avec la vraie Justine, parce que tantôt, elle n'était pas là. Hein? C'est quoi qui était là tantôt? Elle est arrivée à 8h. Elle m'a dit tantôt, je suis arrivée à 8h33. Non, ça ne se peut pas de faire la craque depuis 10 minutes. Fait que, on s'est dit que ça devait être un hologramme ou un Justine Renaud-hologramme. Renaud-hologramme. Ah! Es-tu vraiment c'est meilleur, que... moi? Mais c'est vraiment bon, okay, Renaud-hologramme. Good. J'ai été la chercher chez Renaud-hologramme. Non, chez Renault-hologramme dépôt. Ah! Tu sais, faut que ça chille sur les mains. Renault-hologramme dépôt. C'est Renault, dépôt, c'est pas Renault dépôt. C'est pas Renault dépôt? Non, on dépose pas des Renault. OK, ça fuit. On se retrouve dans deux semaines? Oui, on se retrouve dans deux semaines. Les jeudis à 8 h. Jeudi à 8 h. Pour Justine Pertine. Et 3. Pour Justine Pertine. Et 3 et 5, 10. Oui, pour Justine Pertine, merci. Je te souhaite moins de trafic la semaine prochaine. Bye! Bye. Oh là là, bye. On s'en reparle la semaine prochaine, bye. Je vais sortir les poubelles. Je vais parler à mon dealer, c'est moins de trafic. Donc, dealer de drogue, c'est une joke de drogue. On accueille Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe. Salut, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui. Il vient de popper en studio. Oui, ouais, pop. Pop. comme un cheveu sur la soupe, beaucoup trop de cheveux, beaucoup trop mouillé parce qu'il sort de la douche tout le temps. Oui. Au retour de la pause, ça va être le bloc qu'on va avoir une fois par mois. On va révéler le groupe au soir caché, c'est fou ce soir. Oui, tout à fait. Ça s'en vient en deux instants, c'est ça? Notamment mettre de l'hologramme. Comment? De l'hologramme. Charbon hologramme? L'hologramme. C'est ça. Joe de Saint. À l'assemblage Ricky, oui, Joe de Saint. Boobies! Sur ces fous, bise. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis, il est à 8h43, elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a gardé Justine Renaud avec nous. Ah oui, vous m'avez gardé, vous êtes gentil, vous auriez pu me mettre dehors. Jamais de la vie, on t'a déjà laissé patienter dehors trop longtemps. De toute façon, même si on la jette dehors, son renologramme va rester là. Son renologramme, ça va rester un peu comme on a parlé tantôt de boobies. Oui. Oui, j'ai dit que c'était sur ses foobies, mais Steph, je pense que tu nous as trouvé un nouveau nom. C'est quoi j'ai dit? Comment? Je t'ai dit qu'à la place d'avoir des foodies dans la vie, on serait des ses foobies. Ouais. Ben, je la trouvais bonne, puis toi, tu l'as pas pris pour voir. Tu fais comme, non, c'est pas à moi, je te laisse. Hein? Non, mais j'ai peut-être dit ça, là. Eh boy. C'est Jean-Philippe Charbonneau, tu sais ce que c'est, animé comme ça avec Stéphanie Paradis. Oui, Mathieu Plante, mais ce qui me fait très rire, c'est que t'as dit tu t'en souviens plus, alors que hier, tu t'en souvenais plus non plus de tes jokes. C'est vrai. Qu'on avait fait hors d'onde juste avant. Fallait que je les écrive, en fait. Oui. Je suis rendu que je dois scripter mes scripts, mes jokes pareil comme Gilles la tulipe. Pareil. Qui est? Non! Donc, Jean-Philippe. T'attends au moins 6 mois, je pense. C'est pas 3 secondes quand la bouffe tombe à terre. Mais ah! Est-ce que tu veux manger j'ai de la tulipe, quoi? La règle du 3 secondes. Oh. Oh. Oh. La raison pour laquelle Jean-Philippe Charbonneau est avec nous, JP Charbs, c'est pour annoncer chaque mois, on sait pas si ça va être toi à chaque mois, mais quand même, au moins pour aujourd'hui, le groupe qui va être au Soirée Caché, c'est fou, qui débute une nouvelle saison ce soir. Oui. C'est la quatrième année consécutive. Parle-moi de ça, les soirées cachées en général. Oui, ben c'est ben, comme tu viens de dire, là, c'est la quatrième année qu'on fait ça, des soirées cachées. Consécutives. Consécutives. Oui, de suite, à la file, une de l'autre. conséquemment... À la file, à la filée. Mais nonobstant les années bisextiles. Ouais! Le cas échéant, j'entérine. Voilà. Ouais, donc, quatrième année de suite qui s'entame cette année. Et puis, cette année, petit concept un peu différent, ça va avoir lieu à la Chasse-Galerie. Tout le en temps. En fait, une fois par mois, il va y avoir un spectacle assuré à la Chasse-Galerie, plus quelques petites... surprise, que je pourrais dire. Des surprises, des bonus. Oui, des bonus. Est-ce que c'est tout le temps le premier jeudi de chaque mois, ce qui ça donne à être ça en ce moment, je pense? Oui, presque. Mais là, on est le deuxième. Ah, c'est vrai? Des fois, c'est une question d'horaire. Là, c'est tombé le premier, je sais pas trop quoi. Avec l'horaire universitaire. Okay. Non, mais c'est, mettons, dans les deux premières semaines de chaque mois. Parfait. C'est tout le temps les jeudis. Oui. Donc, à 22h. Oui, à la Chasse-Galerie. C'est tout à fait gratuit hein, pour étudiants, non-étudiants. membre de la communauté, membre de pas la communauté. Bref, tout les le monde. Les chiens, les chats. Tout ouais. le monde. Oui, mais il faut pas qu'il y ait d'allergies. Non. C'est des allergies. Faut que les chiens soient allergiques, c'est ça. Non, c'est parfait. Ça. Ah, faut pas, pas d'arachide non plus? Non, pas de noix. Ah. Donc, c'est pas Rachid Badouri, le show. Non, c'est pas l'humour, c'est la musique de toute façon. Oui, donc ce soir, le 9, à 22h, on va avoir un spectacle. On va dévoiler sous forme encore tout le temps la journée même. Okay. Et puis là, il va falloir que vous creusiez les méninges parce que je pense qu'il sera pas facile, celui-là. OK. Donc, un peu comme les autres années, je vais vous donner quelques indices. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Si j'ai pris ma douche ce matin, ça n'a aucun rapport, ça vous aidera pas à trouver c'est qui l'artiste, mais si ça vous tente de me demander ça en même temps. Mais non, mais les autres années, je veux dire, je réussissais à avoir quand même quelques indices à l'avance, puis j'arrivais pas à le trouver pareil. Ben là, je suis pas préparée du tout. Fait que ça, imagine, là, si tu le trouves tout de suite, là, ça, on va voir, il y a quelque chose qui marche pas dans mon affaire. Donc. On a un indice, c'est que moi, je suis plus avantagée que les autres apparemment en tant que Justine Renaud. Ça? Je sais pas pourquoi. Oui, on sait pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais moi non plus, en fait, je c'est ma mère avec un ukulélé. Donc voilà, j'ai commencé avec un premier indice. C'est un quatuor montréalais. Quatuor montréalais. Random recipe. Est-ce que on a ça m'aide pas à tout. Est-ce qu'on a une autre idée? Mais c'est pas Half Moon Run. Non. Quatuor, il était pris. Je sais même pas combien ils sont. Je sais pas combien il y a de membres dans les groupes. Moi, je sais pas ça. C'est, OK, on peut y aller avec un autre indice dans ce cas-là. C'est un groupe... je dirais électro hip hop. Électro hip hop. Puis c'est pas Random Recipe. Ah, j'ai pas dit non. Je continue juste mes indices. Hip hop. Moi, je dis juste la bonne réponse à la fin. Là. C'est comme le père Foura. Est-ce que. Ben oui, c'est pas mal, là, sérieux. Parce que, tu sais, c'est sûr que c'est pas Radio-Radio, c'est sûr que c'est pas Mr. Valas, ils sont venus en show au show de la Ouais, mais Mr. Valas sont 5 et Radio-Radio sont 2. Fait que si tu sais compter, ça marche pas. J'ai étudié que je savais pas les noms. Les mais en fait, je vais rectifier. Radio-Radio sont rendus un groupe de 4. Ah, c'est vrai, c'est un c'est deux membres principaux, mais avec. Le batteur puis la petite trompettiste qui est exactement. C'est encore Radio-Radio. C'est encore Radio-Radio qui va venir. Radio. Non. Non. T'avais un dual. Oui, c'est ça, un dual pack. Deux pour un. Je les ai pris chez Costco. C'est pas Gatineau, mettons, quelque chose comme ça? Ben moi, je continue à dire que c'est radio Random Recipe. Je peux continuer mes indices, si vous voulez? Oui, oui, vas-y. Est-ce que la moitié du groupe est gay? Écoute, c'est pas un indice que je m'en allais dire, mais je dirais plutôt que leur avant-dernier album a été nominé 3 fois à la disque en 2011. Je sais pas. C'est tellement pas bon. Je sais plus. Mais ben, ça, c'est le genre d'indice qui servent juste à rien. Je me sens tellement pas incluse là-dedans. Non plus, j'ai connu. D'habitude, je dis des indices qui servent à rien. Des filles, des gars, ils ont-tu une moustache, des cheveux roux, quelque chose? Mais déjà, c'est en français ou en anglais? Ouais. Ah, très bonne question. Ouais. C'est un groupe que je qualifierais plus d'anglophone. Anglophone. Qui ont déjà été dans les palmarès, c'est fou. Dans le temps. Okay. Mais non, dans le temps, quand? Fut un temps. J'ai oublié de regarder. OK. Mais ben, après ça, il veut qu'on lui pose des questions, mais il n'y a même pas de réponse. Et pour lui poser les bonnes questions. Mais ça veut dire qu'il chante aussi en d'autres langues, un petit peu. Peut-être. Hein? Ben là, c'est Random Recipe. Il y a c'est clairement ça. Justine m'a fait vraiment chier. C'est ça pour moi en ce moment. C'est pour moi? Oui. C'est comme là je me... C'est un quoi, tu vois? Random Recipe? Ouais, c'est ça, Justine, bravo. Gauche, tout! Ben oui. J'ai essayé d'avoir un ticket pour y aller ce soir. Gagne un show. Oui. Mais c'est gratuit. Je suis super contente. C'est vraiment un bon band. Je ne le crois pas encore. Genre. Non, moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Officiellement, c'est ça. Je m'en allais dire que leur album qui a gagné en 2011, c'était Fold It. Mold It. Exactement. Et puis là, ils vont venir avec Kill the Hook. Oh. Wow! C'est un très bon album, lui aussi. Un petit peu plus hip-hop. Je ne sais pas comment le qualifier. Là. C'est un petit peu moins international. Dans le passé, c'était très international là, comme musique avec Fold It, Mold It. Mais en tout cas, venez hein, en grand nombre, tout le monde, sauf on a dit des chiens et des arachides. Oui. Donc, Rachid Badouri et son chien restent à la maison, s'il vous plaît. Si vous avez un copain-copine puis que vous l'appelez ma petite pinotte, ben, elle ne pourra pas rentrer. Non. Franchement. Tous les comiques de Snoopy et Charlie Brown non plus parce que c'est des peanuts. Peanuts, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Oui, vraiment, vraiment hâte. Ça va être un très bon show. C'est des pin hot, je trouve, les pins d'adaptateur d'écouteurs. Il y a ça aussi, les oui. pins hot. Oui, parce qu'il y a le petit bout. Le petit bout est très chaud. Oui. Okay. Oh, on ne peut pas avoir de noix de pain non plus, hein? C'est des pine nuts. Pine nuts. Des pine nuts. Pine nuts. Donc, tous ceux qu'on vient de nommer ne sont pas bienvenus. Ah, pas de pine up non plus. Pas de pine up? Des pin-ups? Des pin-ups. Des ouais. pin-up girls? Ouais. Okay, t'étais pas de pin-up girls, mais là, ça élimine la moitié des ben, je sais pas, la moitié d'une communauté quelconque de pin-up girls. donc, ce soir, moi, je dis qu'on pourrait peut-être demander la demande spéciale à Justine du dernier album, savoir laquelle qu'elle veut entendre. T'as 12 chansons, une parmi ces 12-là pour commencer. D'accord, j'aimerais ça entendre Dimples, s'il vous plaît. On écoute Dimples tout de suite de Random Recipe, Assemblage Requis. Puis venez les voir ce soir, 22h à la Chasse-Galerie, c'est gratuit. Exact. On en reparle après en plus. OK, génial. Oh, et on a pu vous en même temps. You flip the switch, we say it's your bit. You hit the pitch, we say blow it. Can you run as fast as I can? Jump over a fence, fetch your ball on the oven. Yeah, we hood rats, kid sisters. Tough enough to side of wood to get blisters. Who you call and tag? I'm a water gun kid. If you fight back, garbage lid. Can you see me up in the tree? Shiny, shiny dimples. Ninja turtle choreography. Shiny, shiny dimples. Jawlines with chalk in the street. Shiny, shiny dimples. Time out, I gotta go pee. Shiny, shiny dimples. Put a smile and I walk away. Got dimples in my cheeks, you say. Try to steal just a bit of light, you make. New shades black in my game. Reckless wakes up. Summer takes up. Never gonna earn respect. Laying up the hill. We can never stay still. Cause we keep running on the block. Holding your breath as long as you can. While you run up a hill, roll down a mountain. Jump up like you pop. It's a 3-day weekend. When I grow up, I wanna be a kid again. On your mark, ready, set, let's go. Don't ask me to move unless I'm in set. So come on, come closer, skip to my rope. Limbo your life, feel it down your throat. Yo, welcome to the kids' world. Nobody's. All we care about is living with memories. All questions aloud like feeding a seed. Open your mouth, laughs and all you can eat. I grown up as a child with a story. The world plans far by your theory. Learn how to smile cause smiling's free. I like to solve a puzzle via MBLE. I put a smile and I walk away. Got dimples in my cheeks, you say. But it feels just a bit of light you make. No shades back in my game. Hopscotch talks of hay. Slip and slide on feet and pass. Tiptoe dancing on the tracks. We get some of them. Random Recipe et Dimples à Assemblage Requis sur l'album Kill the Hook. C'est le groupe qui va être en spectacle ce soir au Soirée Cachée à 22h. Oui, cette chanson-là, tu peux pas l'écouter deux fois. Tu peux pas double dip. Double dimple? Double dimple. Oh! T'as pas fait de gag de nipple, par contre? Non, tu peux faire des gags de nipple. Suffit, là, les mamelons aujourd'hui. Double là. Nipple. Dimple. Double non, il n'y a jamais trop de mamelons. Les mamelons d'un marathonien... post-marathon. Que frotter contre... Pin-hot. Voilà. Donc, ce soir, 22h, Chasse-Galerie, c'est gratuit pour tout le monde. Oui, il va y avoir des spéciaux sur la bière puis tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu vas être là, donc on va pouvoir te rencontrer en personne. Jean-Philippe Charbonneau. Oui, mes cheveux devaient avoir séché. Fait que fiez-vous pas à ça pour ce soir. Je pense que tout le monde... Pour te reconnaître. Tout le monde as-tu vu le gars avec des cheveux trempés? Non, ça me dit rien. T'es-tu sûr qu'ils ont pas séché? Oui. On a tous envie de se faire couper les cheveux avant le spectacle ce soir, on dirait. Je sais pas pourquoi tout le monde a parlé de ça. On fait tout dur. Oui. Ouais, mais c'est que la beatboxeuse, une des deux protagonistes principaux, pâle. Est-ce qu'une protagoniste, en tout cas, elle est pâle, elle est principale. Elle a vraiment des beaux cheveux. Fait que moi, je me sens vraiment très inconfortable dans ma peau quand je suis dans une salle avec quelqu'un avec autant de beaux cheveux. Ouais. Et pourtant, elles sont magnifiques, tes cheveux, je me disais ça tantôt. Elles sont vraiment poilues. J'ai l'air d'un garçon de secondaire 3. On pourrait dire que en quelle année? Hein? À secondaire 3, je te l'ai dit. Non, non, mais je veux dire, en quelle année? En 2014? Ça fait combien de fois que genre, tu l'as là, en ce moment, okay. Là, genre, j'ai vraiment les cheveux longs. Puis quand je passe dans le couloir, j'ai une collègue tunisienne qui s'appelle Manel Ribi. Et elle dit, « Hey, Justin Bieber! » Et moi, je suis comme, « Mange ma mère! » Mais non, toi, tu dis que tes cheveux, ça a plus l'air beau comme capillaire. Ça a plus l'air beau. Ça a plus l'air... OK, mais capillaire, ouais. Ouais, ouais. Vraiment, c'est... Une autre chanson de Run DMC. C'était une bonne idée. Ouais. On va écouter Big Girl. Comme un cheveu, ça. Ouais, mettons que t'essaies de faire comme sauver la mise, mais finalement, oui, c'est de l'empire. Finalement, je l'empire. Je suis en train de creuser. Tu remets à main. Je te remets à main. Excuse-moi. Elle est vraiment bonne. Ouais, je sais bien. J'ai dit que t'avais pas le droit de mettre ton rôle d'IP. Ah, c'est une c'est pas ça référence à ça. C'est clairement une référence. Tip on my tongue, hubba bubba bubblicious gum kind of song. Gunner sir looks like sticks on a gun. Gonna kill hooks like licks for my gun. Bang bang, gang of fat ladies, gang it's over. Bang bang, sucking down my shoulder. Live forever with yourself on a track. If you want me back, just clap, clap. Come on, chicken, go, go. We'll play your flow, we'll play your flow. And curly up your comb, oh, fuck the lookbook. Watch you grow jumbo, y'all hero kills the hook. So come on, chicken, go, go. We'll play your flow, we'll play your flow. And curly up your comb, oh, fuck the lookbook. Watch you grow jumbo, y'all hero kills the hook. Tip of my tongue, listen to my phone, play your song. Yeah, all your dollar bills, hold your applause. I pop tracks from hits like the Wizard of Oz. Drills, no skills, and imagine I'm dick. That you're gon' click, click, VH fantastic. You kill for a spill of gasoline on your wick. Royalty handpick, VH fantastic. Come on, chicken, go, go. We'll play your flow, we'll play your flow. And clean up your comb. I'm dropping bait in the kitchen, going fishing. Gonna help a kid get rid of the lisp in his wrist. The twist, the poor kid's never been kissed. So do it, any nutty pawn. Like you got it good, like you shine like bronze. Limbo is patient, songs are wrong. There's a collaboration, kills this song. Big Girl de Random Recipe à Assemblage Requis. Encore une fois et une dernière fois, en fait, pour l'instant. C'est le spectacle de ce soir à 22h à la Chaise Galerie. Oui, on vous attend en grand nombre. Vous connaissez pas? Venez connaître. Le slogan, c'est le ça? Le nouveau slogan. C'est donc bien un mauvais slogan. C'est terrible. Combien t'as payé pour ça? Je te dirais que je me suis payé une tape dans le dos. Puis, Deux gros peanuts. Oui. J'étais payé des peanuts. Ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'on vous attend ce soir. Je vais être là. Je vais vous dire bonjour. Puis ça va être bien cool. Génial. Merci. 22h, chasse galerie gratuite. Superbe. Jean-Philippe Pierre Bonneau. Ah, puis ça arrive une fois par mois hein, cette année. Oui. Les dates sont toutes déjà setées. Ah, mais on ne sait pas encore public. Non. On révèle la date quelques jours à l'avance et le groupe le jour même à 8h30 à Assemblage Requis. C'est ça le concept. Au mois prochain, voilà. Jean-Philippe Charbonneau. Sinon avant. Au retour, le poste d'écoute d'Assemblage Requis reste là. Découverte. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, on est toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées ou l'émission où on est fou de couverte. On veut rester couché. Fou de découverte, mais je l'ai transformé. C'est comme un genre de... Tu sais, je me suis approprié le slogan fou de découverte. C'est fou de couverte. Eh ben... Ce qui nous amène au segment où on écoute de la nouvelle musique qui est sortie fraîchement dans la discothèque de C'est fou, c'est le poste d'écoute. Poste d'écoute! Yeah! Enfin! Es-tu prêt, Mathieu? Je suis toujours prêt à découvrir de la nouvelle musique. J'ai essayé de tourner en rond et tout en jouer les mêmes choses. Hein, c'est ça. Tourner en rond, en plus, là, c'est des CD. Fait que oui. C'est sûr que ça tourne en rond. Dans... Avec un trou dedans. Tourner en rond avec un trou dedans. Ouais, c'est ça. Donc, aujourd'hui, Mathieu, je vous fais découvrir c'est la formation Streets of Laredo. Okay. Volume 1 and 2. Uh-huh. Mais ça, c'est juste comme un album, là. Donc, Streets of Laredo, qui est en partie originaire de Brooklyn aux États-Unis, et l'autre partie originaire d'Oakland en Nouvelle-Zélande. Donc, est formée de Daniel, David et Sarah Jane Gibson, et de C. Moore. C'est, on dirait que c'est comme Simon Moore, mais qui l'a mis en un, ben, plus comme contracté, là. Ouais. C. Moore. Ainsi que Tom Darlow. Donc, l'album Volume 1 and 2 est sorti le 7 octobre. Donc, ça fait juste deux jours. Là, c'était mardi dernier. Wow. Donc, très, très, très, très récent. Mm-hmm. C'est un petit indie folk rock. Donc, on reste un peu dans le style que j'apporte généralement avec le poste d'écoute. Mais ça, c'est le style sur papier, indie folk rock. Mais je te dirais qu'à l'oreille, il y a un petit quelque chose de différent qui fait que j'aurais pu prendre les pièces au hasard sur l'album, ça aurait été bon. OK, mais ça aurait pas tout sonné pareil, là. C'est pas ça que tu veux dire. Là. Non, mais je veux dire, chacune de ces pièces-là est une valeur sûre. OK. Et c'est très rare que je trouve que l'album au complet est tout à fait excellent. Donc ça, je te dis, j'aurais pu y aller au hasard, ça aurait tout été bon. J'ai trouvé ça vraiment difficile de choisir parce que chacune des pièces a un petit quelque chose, une petite particularité qui met une belle couleur à cette pièce-là. Là, t'es fine parce que tu nous amènes 4 pièces sur 10 parce que l'album a juste 10 chansons. Tu nous en amènes presque la moitié à entendre, là. Écoute, on aurait pu le faire jouer au complet puis personne ne se serait tanné. Ouais. Peut-être donner une petite idée de vers où on s'en va. Leurs influences musicales, les groupes qu'ils apprécient, par exemple, il y a We Are Augustines, Grizzly Bear, Band of Horses, Arcade Fire, Tom Petty, Cat Stevens, Simon and Garfunkel, The New Pornographers et Beirut. Wow. Donc, je pense que c'est vraiment une valeur sûre. Et on s'en va tout de suite entendre une première pièce. On s'en va entendre Girlfriend, The Streets of Laredo, tiré de l'album volume 1 et 2, volume 1 and 2. Et tout ça, c'est au poste d'écoute. Girlfriend. to me, she's my girlfriend, yeah. She's my girlfriend, I'm on the sideline. She's in the moment, moment by moment. Summer thunder variant, letters from the government. Robbing hearts and breaking banks, breaking moves and turning heads. The weekend, I'm trying to pay my rent. If my butterflies are et Rose, The Streets of Laredo. Et tout juste avant, on a entendu Girlfriend. Et nous sommes au poste d'écoute à Assemblage Requis. Qu'en penses-tu, Mathieu? Ben, maison, on est au poste d'écoute, c'est tout à fait vrai. Ah, tu parles de la musique, hein, j'imagine. Ben oui. Ouais, j'ai bien aimé. Ça me laisse encore sur ma faim. Je dirais que j'aurais besoin de plus pour me faire vraiment une idée là, concrète de la chose. Mais je pense qu'on... On pourrait peut-être par hasard, je pense qu'on pourrait prendre le temps et en écouter d'autres tout à l'heure. Tu veux dire comme on fait à chaque fois? Genre? Mettons. Il y a déjà 3 pièces qui ont des vidéos de cet album-là. Album qui sort, on le rappelle, là. Oui, il y a 2 jours, il y a déjà 3 vidéos. Donc, il y a Girlfriend, qu'on a entendu au début du bloc. Il y a aussi Lonsdale Line, qu'on va l'entendre tout à l'heure, et Slow Train. J'apprécie particulièrement la vidéo de Lonsdale Line, qui est complètement animée, un peu comme si c'était des personnages de carton devant un fond fixe. Là, comme, c'est vraiment très, très beau. Ça vaut la peine d'aller le voir. On peut visionner leur vidéo sur leur site Internet, qui est tout simple, www.street-laredo.com. Wow. OK, une chance qu'ils ont pris un point .com. Là, si t'avais dit point .net, là, je serais comme, wow, là, t'ambitionnes. T'sais. Point .net? Ouais, street-of-laredo.com. Peu importe d'autres choses que point .com, c'est comme trop de facteurs de complications. Et il va être en spectacle à la Vitrola à Montréal le 30 octobre prochain. Donc, super de belle occasion d'aller les voir parce qu'après ça, il n'y a rien de vraiment proche. Là. Donc, allez-y. Et moi, je vous ai dit d'aller voir la vidéo de Lonsdale Line, mais on va commencer par aller entendre la pièce. Qu'en dis-tu, Mathieu? Ben, okay. Donc, on s'en va entendre ça immédiatement dans le poste d'écoute. poste d'écoute. Since I've been home, found a place here in Babylon. I am lost, yet I'm in love, but I'm finding it hard. Well, I might be the younger one. It's the bread line I'm running from. Found a fortune, but not a goal. And devil strong, claiming everything to everyone. Strangers say, though the kingdom is overthrown, it's in the stars, but not in stone. C'était Everything to Everyone. Et tout juste avant, on a entendu Lonsdale Line. Et tout ça, c'était The Streets of Laredo. C'était pas mal le poste d'écoute pour aujourd'hui. Hein? 4 chansons de mon album. Ouais. Comme on le fait tous les jeudis en fin d'émission. Merci Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir. Beau travail. Ben, merci. Ben oui, merci de m'inviter. Voilà, pour le poste d'écoute, c'est sur assemblagerequis.com qu'on retrouve les informations, bien évidemment. Nous, ben, c'est la fin de l'assemblage requis pour la semaine en cours. La semaine? La semaine au complet. Je suis désolé. Mais on est de retour lundi entre 6h30 et 9h30. Non, c'est vrai, on n'a pas d'émission comme on m'a dit. Ben non, il n'y a pas d'émission. As-tu une émission? Parce que je pense qu'on a une... Non, Mathieu, il n'y a pas d'émission. Mais t'es sûr qu'on a pas... Oui, il y a une émission. Il semble qu'on a une émission, genre. Mais je te fais confiance. Ben non, fais-moi confiance, Mathieu, il n'y a pas d'émission. OK. Good, pas d'émission lundi entre 6h30 et 9h30. Non, il n'y en a pas. Faut vraiment pas être à l'écoute lundi. Okay. Bon, je peux dormir. Oui. On va être de retour donc mardi, entre 6h30 et 9h30. Je me sens comme David Ferron. Oui, Mathieu. Oui. Restez sur nos ondes pour deux filles, deux styles, une émission. 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Ensuite, c'est le dîner de quoi avec Danny Jean... dîner de con, oui, avec Danny Janvier. Toutes les syllabes, s'il vous plaît. Créateur de son. Ensuite, à 13h, la série documentaire. À livre ouvert avec la littérature à 15h. Le Mathieu Plante Show en rediffusion à 16h. À 19h, c'est 13e étage et 21h, Radio Sonic. À mardi donc, Steph. À mardi! Merci à Justine Renaud et Jean-Philippe Charbonneau. Bye! choose on.